dar nu m-am înșelit, oape fem păse mize. Le nom te fait grimer, dis que moi c'est éthique. Senti moins délire.